écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. La présence du Seigneur. Ah, je désire ta présence. Je désire ta présence. Seigneur, pour marcher dans ta volonté. Je désire ta présence pour faire ce que tu veux. Parce que je veux, mais ce que tu veux. Je désire ta présence pour vivre le surnaturel. Je désire ta présence pour vivre le surnaturel. Oui. La raison dans Jérémie chapitre 2 qu'on a noté aujourd'hui, à partir du verset 1. Vous pouvez lire. Et vous pouvez remarquer à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Remarquez là-bas que dans ce livre de Jérémie là, les sacrificateurs qui connaissaient la loi de Dieu, les dépositaires de la loi, comme c'est écrit là-bas, les prophètes, les pasteurs sont en abomination à l'Éternel. Pourtant, la Bible dit que ce sont les dépositaires de quoi? De la loi. Ils connaissaient certainement les amendements de la loi. Mais Dieu dit là-bas qu'ils ne les connaissent pas. Ils n'ont pas cherché à le connaître. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Dans Ophé chapitre 6, à partir du verset 3, il est écrit là-bas, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Car sa venue est aussi proche que celle de l'aurore. Désirez sa présence. Désirons sa présence. Commençons par nous séparer. Obéir aux petites choses, aux instructions. Obéir au béaba. Séparez-vous du téléphone. Séparez-vous de toutes choses qui peuvent être des obstacles à votre communion avec Dieu. Non, je ne veux pas me séparer. Quelle présence du Seigneur tu cherches? Quelle présence du Seigneur tu désires? D'accord, bien-aimé dans le Seigneur, soyons sérieux. Si tu es fidèle dans les petites choses en or, il te confiera les grandes. Les grandes, c'est la présence du Saint-Esprit. Marchez par le Saint-Esprit. Marchez selon le Saint-Esprit afin d'accomplir sa volonté totale. Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Seigneur, je désire ta sainte présence pour demander dans ta volonté. Demander dans ta volonté parce que c'est dans ta volonté que tu m'écoutes. Ta sainte présence. Ta présence a fait la différence, Seigneur. Dans l'église primitive, ta présence a marqué la différence. Ta présence a fermé les bêtes, a fermé la bouche des vains discoureurs. Je désire ta présence pour vivre la vie du surnaturel, la vie du crucifié. Je désire ta présence pour ne plus marcher d'après la chair. Saisis-toi de mes mains. Environne mon cœur de ta présence. Environne mon cœur de ta présence. J'ai soif de ta présence. Dans Jérémie chapitre 2 là, et quand nous avons dit, ceux qui vont lire tout le texte de Jérémie chapitre 2 jusqu'à la fin là-bas, il va dire que voici mon peuple a commis un double péché. Jérémie chapitre 2. Mon peuple a commis un double péché. Premier péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas. Or, dans Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 1, le Seigneur donne à faire une convocation que venez aux eaux, vous qui avez soif, venez sans argent. Un bien-aimé, pour aller dans sa présence, il faut l'argent. Pour la désirer, il faut l'argent. Si tu as soif, dans la conduite, si tu as soif, vous qui avez soif, venez. Achetez sans argent. D'accord, bien-aimé dans le Seigneur, la présence du Seigneur a fait la différence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je prends la bénédiction. Bonsoir et bonsoir. Normalement, nous devons continuer. Si vous n'êtes pas fatigué, comme le frère Emmanuel, par la grâce de Dieu, vous avez abreuvé par la parole. Il vous a abreuvé, non? On se met comme court. Pas en patané. Vous êtes mobilisé, baissons la tête. Prions. Tant de peine que nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Seigneur, quand nous donnons au Dieu le gloire, nous péchons devant toi, ta miséricorde est toujours disponible pour nous. mais tu veux, Père de gloire, qu'on saisisse cette main tendue que tu as donnée à la croix. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de marcher dans cette voie. Père, je prie, ô Dieu de gloire, que tu ne te souviennes pas de nous selon nos iniquités. Mais Père, que tu nous aides, ô Dieu de gloire, à quitter cet état de cause, cet état de fait, cette façon de faire, et que nous marchions devant toi par l'Esprit. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de vivre selon l'Esprit, afin de ne point accomplir les choses de la chair, ces désirs de la chair dont tu as parlé dans les Saintes Écritures. Seigneur, les ennemis nous tendent les pièges de part et d'autre durant notre vie quotidienne. Mais ton Esprit est disposé pour nous aider. Merci, ô Père, d'avoir disposé le Saint-Esprit, qu'il soit le remplaçant valable sur la terre, tel que tu as dit, tu ne nous laisseras pas orphelins. Nous soupirons, ô Dieu de gloire, à cette connexion. Donne-nous conduire, Père de gloire. Seigneur, très souvent, nos propres comportements nous surprennent même, nous-mêmes. Nous nous comportons pire que les mondains. Nous commettons des choses abominables que nous ne devions pas connaître, bien que nous sachions que ces choses sont interdites dans les Saintes Écritures. Mais nous nous trouvions livrés à cela, parce que la chair domine sur nous. Daigne vivifier notre esprit ferré de Père de gloire, afin que nous tenions ferme à cette voie telle que tu nous as donnée. Seigneur, donne-nous de ne pas être des auditeurs oubliés, mais que nous mettions promptement en pratique tout ce que nous entendions. Seigneur, comment la mettrons-nous en pratique si toi-même tu ne nous aides pas? Père, la Bible déclare que notre capacité vient de toi. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Daigne soumettre nos cœurs à ta volonté, comme Job l'a dit, qu'il a plié son cœur sous ta volonté. Plie, ô Dieu de gloire, le domaine de nos vies qui n'était pas sur toi. Plie, ô Dieu de gloire, et domine en Seigneur dans nos corps, dans notre âme et dans nos cœurs. Donne-nous de vivre d'après l'Évangile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donne-moi juste une Bible, je vais lire un passage et on va causer. Donc le frère Moïse, ça c'est une sœur qui t'a envoyé ça de la France. Je suis seulement porteur des cadeaux. Je ne suis pas chargé de te dire qui a envoyé. Voilà. Pas merci à moi. C'est pas moi qui ai... Non, ça c'est ta Bible, ça avec quelqu'un qui a deux Bibles. Merci ma mère. Voilà, ma mère a toujours deux Bibles là. Donc on m'a juste envoyé que pour le frère Moïse. Donc je suis venu pour te transmettre cela, d'accord? C'est pas Brenda qui a donné. Là c'est l'ami de Brenda. Il y a encore des songes. Non, je ne vais pas. Quelqu'un a-t-il une révélation? Je ne vais pas vous le dire. On est déjà presque à. Il est là, c'est fait tard là. Pour celles qui sortent du travail, vous qui êtes fatigués, permettez-moi de lire tout simplement quelque chose. La semaine dernière, mais samedi, nous allons continuer dans la dixième partie des chrétiens. Mauvaise pensée. J'espère qu'on va finir avec cela. Donc samedi, 16h, plaise au Seigneur, il sera là pour qu'on commence tôt, pour finir tôt. Comme ça, si on peut commencer à 16h, on peut prendre deux séances. Vous laissez une pause, 16h, 18h, ça fait 2h. Vous prenez de l'eau, vous coupez le jeûne, vous prenez les forces, j'avance encore. Pour qu'on en finisse, parce que c'est encore profond. Quand on a 3 ou 4 parties encore. Et dans la semaine dernière, pendant que nous voyons la 9e partie, dans la 9e partie de le jeu, les mauvaises pensées, la semaine dernière, où nous avions lu ici Job chapitre 11, le verset 13 à le verset 21 à 30. Hein? Vous allez noter encore. Je suis en train de vous rappeler parce qu'il veut dire quelque chose. Nous avions lu Joël chapitre 2. Chapitre 2. Vous avez noté cela dans Lévitique chapitre 19, la partie, verset 17 de la partie A. Nous avions lu cela, n'est-ce pas? Hein? Et quand nous avons commencé par le frère qui a posé la question chez Actes au chapitre 5 concernant Ananias et Saphira, le verset 3 et verset 5. Pendant que nous étions en train de développer, et puis je parlais de l'arbre. Que lorsqu'un arbre cache, vous savez, si vous êtes allé au champ, dans les champs, vous remarquez, vous entrez dans les champs, vous remarquez les grands arbustes qui poussent. Leurs ombrages font souvent, leurs branches font souvent ombrage aux petits herbes qui sont en bas. Généralement, vous allez dans les champs qu'on appelle vous appelez black bush, c'est-à-dire que les forêts vierges. Vous allez remarquer que plus bas, il n'y a pas les herbes. Parce que les arbustes ont bloqué la lumière. N'est-ce pas, Patin? Quand il n'y a pas la lumière qui pénètre là-bas pour pouvoir faire qu'il y a germination, tout ce qui est en bas meurt. Tout ce qui est en bas meurt. Tout le monde souffre en bas. Et pourtant, cette sol-là est fertile. Pourtant, le sol est fertile. Mais je veux que vous me regardez bien. Vous savez de quoi ils ont parlé maintenant. Ils m'avaient parlé quelque chose, mais c'est pour ça que vous, je veux que vous me suivez. Alors donc, quand cet arbre-là pousse et que ça cache de l'ombre, alors que les autres arbustes et toutes les plantes qu'on pourrait y planter là-bas, mais le vrai problème c'est que pourtant le sol est fertile. Je sais que vous êtes assez fort pour savoir de quoi j'en ai parlé. Amen. Monsieur, n'est-ce pas? Ce qui ne comprend pas, vous levez la main. Parce que vous aimez dire que je parle en parabole. Donc il y a que deux personnes qui comprennent, qui ne comprennent pas. Papa, toi-même tu ne comprends pas. Si c'est pas, si toi tu ne comprends pas un ancien, c'est très grave. Toi aussi mon frère. Voilà. Bon, donc de toute façon, je suis en train d'expliquer quelque chose du champ, simplement. Si vous allez au champ, ou bien encore prenez les voitures qui sont stagnées, qui stagnent dans un endroit pour longtemps. Dans cet endroit-là, si on a déposé la voiture alors qu'il y avait les herbes en bas, un jour, deux jours, tôt ou tard, le périmètre dans lequel se trouve déposer la voiture, vous allez voir les herbes tout autour. Mais là où il y a la voiture, la voiture fait l'ombre, les herbes qui sont là vont finalement mourir. Et donc, si on porte cette voiture-là, un de ces jours, on dépose une place là-bas, trois jours, vous allez voir la germination là-bas. Donc, ce sol-là a des gens, ou mieux encore des êtres qui souhaitent également sortir. Mais la voiture crée obstacle. Vous m'avez compris maintenant? Voilà. Donc, l'arbre crée obstacle. On a deux possibilités. Soit l'arbre est coupé. Et dans ce cas, les plantes poussent facilement parce que le sol est fertile. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il s'agit de faire ça. Il parle clairement, mais vous comprenez ce que je s'en ai dit clairement. Il faut donc qu'on abatte l'arbre. Maintenant, souvenez-vous maintenant, tout ce que je vais dire maintenant est lié, d'accord? Je dis la même chose. C'est la même chose que je viens de parler. Vous vous souvenez, dans une fois ici, il vous racontait l'histoire. J'avais une certaine. Toi, tu as dit, frère, ne dors pas, d'accord, mais c'est pas dormir. Il y avait un style de lance comme ça, et puis le bout était comme ça. Bien tranchant, j'ai jamais vu de telles choses tranchant. Et il y a ces plantes qui sont debout, qui étaient bien fines. Ces plantes étaient bien fines. Quand j'ai remarqué que j'avais un autre truc là, vous appelez quand on débrousse là, on arrête les herbes et puis le crochet, voilà le crochet. Donc vous voyez, quand j'ai balancé le crochet sur ça comme ça, ça se couchait de façon harmonique de ce côté-ci. Et là, je ne fais pas l'effort comme on fait soit avec les machettes pour couper. Il suffisait de passer tout simplement comme ça. C'est comme ça. Waouh, c'est merveilleux de voir cela. Comme ça. Et puis, ça coupait. C'était bien en harmonie. Et ces gerbes aussi étaient bien droits. Aucun n'allait d'un côté ou d'un autre. Les gerbes, quand vous coupiez, vous voyez le bout. C'était droit, pas en biais, mais droit. Parce que ces choses, cette fossile, c'était tranchant. Comme ça, tout simplement glissant. Chaque fois glissant, les gerbes étaient là. Ça pouvait faire le nettoyage. C'était la 5 heures. C'était bien fait. Et subitement, là, souvenez-vous du père qui était derrière. Qui sait de quoi ils sont parlé depuis? Vous avez suivi ça la dernière fois quand je parlais, non? Je parlais de ces choses-ci. Et puis un lion qui s'est tenu là, il s'avançait pour attaquer les brebis. Vous vous souvenez de cela? Et puis je vous rappelle l'histoire du chien que j'avais eu quand, là physiquement. Et que dans ces songes-là, je me suis souvenu que j'avais fait face à un songe. J'ai dit, toi là, je vais te traiter. Vous vous souvenez? Et puis le lion s'est avancé là-bas. J'ai appelé le père de ce côté-ci. Et puis j'ai dit, veuillez revenir. Le père a cet état de père, la façon, c'est-à-dire que la façon de se comporter, le comportement, ce qu'il disait, c'est que c'est entre vos mains. Voilà en quintessence ce qu'il en est. Parce que lui, il avait autorité. Mais ici se trouve dans le lion, ici, qui a de la. Vous voyez cela, non? Qui dérange. Et donc là, voici une brebis qu'il faut sauver. Voici une brebis qu'il faut sauver. Il va attaquer. Il y aura des choses qui ne vont pas. Et donc. Il n'a plus rien à dire parce qu'il a déjà dit que c'est entre vos mains. Comprenez. Donc, pendant que dans les prières, j'ai vu, vous savez, quand vous avez les maîtres de cérémonie dans des lieux, quand, les gens qui disent entrez comme ça, on ouvre la voiture, on entre. Protocole. Voilà le protocole. J'ai vu quelqu'un, parce que j'ai vu sa main et son habillement montrer que c'est un serviteur d'une grande personnalité. Vous me suivez? Et puis, il faisait les bagages. Il transportait les bagages pour mettre quelque part. Vous voyez? Vous me comprenez, frère? Vous comprenez? Vous aussi, vous comprenez? Voilà, merci. Les femmes comprennent mieux que les hommes. Vous comprenez? Ça, là, dans son cœur, continue toujours comme ça. Je vous avais dit que je vais vous dire des choses. Mais je suis obligé de dire de cette façon aussi. Mais je veux que vous me percevez. J'ai vu cette personnage-ci. Les bagages sont rangés. Bon, je vous avais dit dans un autre jour, ce que je me tenais dans un haut lieu placé ici, j'entendais que ça se discutait du départ. Vous me suivez? Mm-hmm. Vous m'avez compris? Mm-hmm. Ok. Et puis cette personne-ci, il avait le gant, parce qu'il remarquait que cette personne avait le gant. Et puis il arrêtait les valises. Les valises étaient bien rangées. Et puis il tirait. Cet personnage-ci, c'est un personnage. Sinon, le personnage. Et il était chargé de porter les valises. Vous me suivez, frère? Mm-hmm. Donc, je reviens d'abord sur mon histoire de l'arbre. L'arbre-ci, il faut couper. Mais à la différence que. Pour ce dont la Bible nous dit dans le livre des actes, je crois que c'est mieux de parler seulement. Dans la Bible, quand la Bible nous parle de ce type d'arbre-ci, pour cet arbre-là, comme l'arbre avait les oiseaux plutôt qui venaient souvent se nicher là-dessus et au-delà-bas, mais ce que cet arbre-ci a fait en sorte qu'on puisse mettre la chaîne sous le reste du tronc. Vous avez remarqué ce qui est ici. Quand vous allez parler comme ça là, quand ma femme m'a dit que ne parle plus, je suis obligé de parler de cette façon-ci. Alors, lorsqu'on a coupé l'arbre, ce qui est écrit dans la Bible ici, dans la Bible, quand on a coupé l'arbre, on a mis la chaîne là-bas, parce que ça peut encore germer. Mais cet autre arbre-ci, on ne doit pas mettre la chaîne. Ça ne doit plus germer pour faire les mêmes problèmes. Vous comprenez, frère? Salut, ma parce que tu comprends bien, n'est-ce pas, frère? Mm-hmm. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il y a un arbre là qui dérange. On coupe l'arbre pour que la lumière soit. C'est simple, c'est difficile. Mm-hmm. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? L'arbre doit faire place. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens pour couper. Parce que là, l'ordre avait été donné de là-bas, couper cet arbre, mais de laisser son tronc. Mais ici, le tronc ne doit pas être laissé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Tout ce qui a travaillé l'arbre, vous voyez? Pour mettre la fossée. Tout ce qui a travers là. Vous souvenez des employés dans le bateau alors que ça venait de couler. Je suis obligé de parler comme ça. J'essaie de vous connecter doucement pour que vous me compreniez. Vous me comprenez? Vous souvenez de un temps. Des temps et la moitié d'un temps. Vous souvenez de. Mais ça peut être abrégé. Faisons vite. Même si vous m'écoutez, vous dites qu'il parle de quoi? Je sens de parler clairement. De l'arbre, de la faucille, du lion, ainsi de suite. Eh, mes frères, mes soeurs, je parle pour nous, non? Je parle, vous comprenez, n'est-ce pas? Et puis, souvenez-vous, tout ce que je t'en ai dit est lié. Je tente de lire une histoire, souvenez-vous, je parle de la même chose. Et puis il y a un monsieur qui s'est tenu là-bas, un noir. Il veut toujours votre attention. Puis il dit, I have a dream. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment déjà. Martin Luther King. Il dit qu'il a have a dream. Il dit qu'il a. Il dit une succession de rêves qu'il a eu. Ce célèbre discours qu'il a eu. Il dit qu'il a eu le rêve. Mais ce rêve-là, il dit que il voit sa fille avec une autre fille, un enfant d'un blanc à la Maison Blanche, marchant main dans la main. Ça s'est accompli, frère? Oui, ça s'est accompli. Un grand meneur qui portait, il dit qu'il a un rêve où il voit même un noir à la Maison Blanche. Ça s'est accompli, frère? Oui. Est-ce que lui qui est le noir, il est là? Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il est allé à la Maison Blanche en tant que noir? Maintenant, écoutez bien, souviens-moi, si vous comprenez ce qu'on a dit. Il a été seulement précurseur pour celui qui doit être là. Donc, si celui-ci dit, j'ai le rêve que le changement doit avoir lieu, j'ai le rêve de changer, je vais même mourir pour vous. Et si on lui crée des problèmes, souviens-moi bien, si l'onction n'est pas celui pour être là, que toute la population le suive comme on l'avait suivi, oh, là-bas il marchait d'abord dans le Coran. Oh, I have a dream. Les noirs doivent faire comme ça. Vous comprenez? Je ne parle pas. Je sais pas. Il parle là. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, I have a dream. Mais plusieurs années, plusieurs décennies plus tard, un noir est venu aux États-Unis. Et il est entré effectivement là-bas. Et remarquez que ce noir-là a fait plus mal que les autres qui avaient été là-bas. Parler des présidents. Ah, mais souvenez-vous, de ce personnage-ci, I have a dream. Le porteur. Mais il est en train de débrousser le chemin pour quelqu'un d'autre. Vous voyez cela? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, have a drink. Il ne sait pas. Et donc, maintenant, si il t'appelle, il dit, frère, contacte cette personne-ci. Dis-lui, il y a une façon de procéder à ceci. C'est que tu peux y être. Mais ce n'est pas le moment parce que tu n'es pas désigné d'être là-bas. Okay. Si tu veux, débrousse le chemin. Il y a des gens qui sont là pour débrousser le chemin. Nous allons même, quand nous venons voir la lumière, vous savez ce que nous faisons? Nous faisons seulement comme ça, nous faisons Pâques. Mais la personne qui a découvert ça, ça a dû le frapper plusieurs fois. Pas vrai? Nous on fait Pâques, ça s'allume, Pâques, ça s'éteint. Il y a des gens qui sont là pour débrousser le chemin. Préparer. Vous, vous pouvez penser, this is it. Il... Saul est le choix du peuple. David est le choix de Dieu. Mais regardez où se trouvait David. Où ça? Au champ. Caché. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, là, quand vous rentrez, lisez Ézéchiel chapitre 31 et chapitre 32. C'est de ça dont je ne parle pas de l'arbre. Donc, ça veut dire que si que la lumière descende, vous parlez de la présence, qui est la présence de la lumière, il faut qu'on coupe les obstacles. Ou mieux encore l'obstacle. C'est cet arbre, ce qui dérange. Il faut qu'on coupe. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et donc quand il a dit, I have a dream, ils sont de parler, suivez-moi très attentivement. Attendez que celui-ci se tienne là-bas, avec son discours, vous le voyez. Et puis pour montrer que c'est lui, suivez-le bien avec la chemise. Il arrive avec la chemise blanche. Et puis il a, regardez bien cela, avec le pins du drapeau du Cameroun. Marchant au milieu du peuple signifie que c'est lui. Mais il est là. Et puis remarquez bien avec son tricot. Alternativement avec son tricot. Il n'est pas là pour faire le discours avec les grands vestes et autres. Ça pourrait arriver. Mais suivez-le avec le tricot et chemise. Pour montrer la simplicité. Pour briser le signe de cette chose, la façon qu'on fait de façon diplomatique, là, de façon très protocolaire. Là, pour briser. Mais il faut que l'avion bouge. Les zones de turbulence. La turbulence. Bonsoir mes soeurs. Bonsoir mes frères. Bonsoir. Vous m'entendez? Vous comprenez? Amen. Ok. Alors donc, les gens peuvent suivre Martin Luther. Allez, on les fouette. On les enferme. C'est bon. On écrit ça dans l'histoire des États-Unis. Mais celui-ci ne jouit pas d'écrire les questions. Mais il prépare le chemin pour ceux qui vont jouer. Vous m'avez suivi? Amen. C'est très fort. Les femmes, elles ont de compréhension. Les antennes, c'est double antenne. Comprenez bien. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas, frère? Gardez-vous la chemise, le tricot. Chemise blanche, tricot. Et je vous avais dit que dans le futur, mais je ne sais pas quand, il y a deux, d'accord? Un s'est présenté, l'autre s'est présenté. J'ai dit, il y a ça. En tout cas, je vous ai déjà expliqué ça, pas vrai? Bon, vous savez que c'est la même chose que j'en ai parlé depuis. Je ne parle pas des deux sujets, je parle d'un seul sujet. Et je fais l'effort de parler simplement, posément, calmement et ouvertement pour que vous compreniez, n'est-ce pas? Avec beaucoup de paraboles. Oui, avec beaucoup de paroles. Merci, sœur. Merci, mon frère. Il dit qu'il parle avec beaucoup de paroles. Comme ça, il comprend. C'est ce qu'elle a dit, non? Il a dit quoi? Donc, tu comprends toi bien. Bien, n'est-ce pas? Alors, la lumière doit être. On ne peut pas empêcher. Parce que même si le champ a été comment, la Bible déclare que l'homme a toujours conquis n'importe quoi, n'importe où ils sont entrés, même dans ce soir ils sont entrés. C'est pas cette table, ce qui va faire n'importe quoi. Je crois que si il y a des choses que si tu ouvres la bouche encore, ils disent de ce qu'il a dit, vous allez. Mais comprenez, l'arbre, cette table aussi nous dérange. Mais remarquez bien à qui l'ordre est donné de déraciner l'arbre. Vous voyez cela? Donc l'autorité est donnée à ceux-ci. Ceux-ci qui parlent et ceux qui veillent. Ceux qui sont au service avec ceux-ci qui veillent. Il y a des gens qui veillent. Vous voyez? Et là-bas, ça se décide. On se met du théâtre de Dieu. Vous souvenez, tu as promis la deuxième partie. Oui, la deuxième partie arrive. Vous souvenez peut-être de ce personnage. Vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Mm-hmm. Le théâtre de Dieu, ce personnage. Ce personnage enchaîné. Toi, tu étais le théâtre de Dieu. Tu étais un acteur. Tu étais l'apôtre Paul même. Nathan, ce personnage. Quelqu'un a-t-il des questions? Avez-vous des questions, mes frères? Ils sont obligés de dire, ils ne parlent pas de la Bible. Excusez-moi. Une question est depuis. Oui, mon frère. Moi, je peux poser de manière hésitante, mais cette fois-ci, je vais quand même la poser. Entendez là-bas. Il dit que j'ai une question que je voulais poser depuis. Je l'ai juste reportée. Concernant les sujets, si. Non. Non, pas. Je veux qu'on sache le sujet, je veux qu'on pose des questions. Concernant la promesse du Seigneur. Par rapport à ici. Oui. Par rapport à ça. Oui. Oui, c'est ça. Parle aussi avec beaucoup de paroles alors. Toi, tu parlais avec beaucoup de paroles. Parole. C'est dans Ézéchiel chapitre 36, verset 24 et suivant. Pour le Seigneur. Promesse de qui il va faire, il va faire, il va faire, il va faire. La promesse à Israël de manière unilatérale. Oui. J'aimerais déjà savoir si. Faut-il qu'elle lise d'abord en déposant. Non, non, pose la question. Depuis que je suis en train de parler, est-ce qu'il lise? Ma question à Dieu. Est-ce ça a à voir avec ce que je suis en train de parler de l'âme et au-delà? Non. Garde ça pour samedi. Des questions. J'étais clair ce soir-ci. Oui, mon frère. Ma question se situe au niveau de ceux à qui l'ordre a été donné de déraciner l'âme. De déraciner. Oui. Je veux savoir. Je viens d'expliquer ici que ceux-ci, j'en vais avec ceux qui veillent. Mais qui sont ceux qui veillent? D'abord, on avait dit à qui de on a dit à ceux qui veulent découper. Okay. qui comprend? Bon, j'ai une autre question alors. Oui. J'aimerais savoir la quintessence de celui que tu as reçu deux fois et qui a parlé de la prophétie concernant le Cameroun, le gouvernement du Cameroun et à l'échelon mondial en anglais. Oui, quand même, il pose des problèmes, n'est-ce pas? Parlons-nous de nos choses et. Ici, le décret en 2000, le décret en 2018, quand on parle, on dira, il faut que tu envoies quelqu'un. Quand il va parler du décret, déclarer ce qui est là-bas. C'est un décret, c'est pas un décret politique. C'est ce qu'il avait dit, n'est-ce pas? C'est un décret divin. Et quand il va dire, ça va marcher cette fois-ci. On ne peut pas faire autrement. Et puis, ça nous doit aller dans ce sens-ci. Il y aura changement. Il y aura changement. Il y aura changement. Vous vous souvenez des douleurs de l'enfantement? Oui. Il n'y a pas de cela ici. Douleur de l'enfantement, transition. Et puis je vous ai dit de prier parce que les soubresauts de tu es Bamileke, tu es Boulou, tu es ceci. Et vous avez dit dans ce moment-ci qui en est arrivé, ça va ressortir. Je vous ai dit, c'est pas vrai? Donc c'est les séquences. Regardez attentivement. Dans aucun pays, en aucun moment, dans aucune période, une pensée courante qui sort, qui est déversé sur le peuple. Tant que ce n'est pas résolu, même si vous essayez de calmer, ça reviendra. Parce que vous pouvez tuer les protagonistes. La pensée, il dit, on ne peut pas tuer. Vous avez remarqué le sursaut d'orgueil des panafricanistes maintenant. Comment des jeunes. Remarquez bien sur les antennes de discussion. Vous allez voir que les jeunes sont là pour discuter sur le franc CFA, discuter sur la libération, discuter sur la colonisation effective. Des jeunes qui sont là et des boules. Ils mettent en désarroi les spécialistes de l'économie mondiale, des jeunes africains qui font cela. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Et puis vous demandez c'est quoi? C'est une pensée qui est sortie depuis et dont on avait fait comme si on avait oublié. Donc, ces choses-ci qui ont été sorties, Bamileke, Boulou, Sissi, souvenez-vous, ça sera spot par spot. Spot par spot. Et la dernière fois, je vous ai dit ici que dans le Nord, les gens vont se lever pour dire nous sommes les défenseurs de laisser pour compte. Et même, un autre parti politique va se soulever, va se lever, nouveau, qui va se lever. Il va travailler pour le bien. Un nouveau arrive aussi. Donc quand ces choses arrivent, spot après spot, et puis vous entendez, toi tu es Boulou, toi tu es Bamileke, toi tu es ici. Bon, dites-moi qui est le plus Camerounais, qui est qualifié pour être Camerounais, dites-moi. Nous sommes ici, c'est pas nous, nous avons près de 256 ethnies. Qui est Camerounais plus que qui? Si tu es Camerounais, je suis Camerounais. En quoi est-ce que je ne peux pas faire telle chose alors que tu as le droit de faire? N'est-ce pas ce que vous comprenez? Donc en réalité, le problème n'est pas sur l'ethnie. Le problème n'est pas sur la personne, ni l'appartenance tribale. Ce qu'il y a, écoutez là maintenant, il y a ici une chose qu'on a enterrée vivant sans résoudre. Voilà le problème. Les mêmes démons se lèvent, envahissent la population, que les mêmes guerres puissent y être. Merci mon frère. Les mêmes démons. Ok, maintenant, supposons maintenant que cette personne, ce qui arrive, c'est tient debout. Et puis il y a la calmer. S'il ne met pas rapidement les comités pour pouvoir résoudre ces problèmes, c'est au fond. Pour le nord et pour le sud-ouest, on pourra dire, ouf, enfin, l'arbre est tombé. On a enlevé. Ok, maintenant, voici le nouveau. Voyons voir ce qu'il va en mettre. On calme. La situation est calme. Est-ce, celui-ci aussi ne sera pas l'éternel. Quand il va se lever, peut-être quelqu'un viendra encore. Comme Rouboam est venu, il a dit que son. On lui a posé la question que ton père nous a mis ça. Et il avait fait combien? On a dit une fois, il a fait ça trois fois. Mm-hmm. Vous voyez effectivement que qu'est-ce que j'ai à voir avec le fils d'Isaïe, pas vrai? Quelqu'un d'autre vient comme ça, la chose que les gens. Moussé de Badere, la révolte encore commence. Regardez le Biafra, la guerre du Biafra. Regardez, vous voyez que depuis 50 ans, ils sont toujours là, pas vrai? Mm-hmm. On ne peut pas tuer ça. Les pensées ne peuvent pas être tuées parce que les pensées sont projetées dans l'esprit humain. Et si lui-même, la même pensée est là pour être projetée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confronter cette pensée et en découdre avec elle. C'est donc le vrai problème que le monde ne parvient pas à savoir. Il croit qu'on va s'asseoir en résolvant le problème des pensées avec la chair. Vous dites, vous tuez tout le monde. Vous avez vu le film des Chinois, n'est-ce pas? Vous allez tuer. Une personne va fuir, aller quelque part se cacher. Il va venir, il va aller s'entraîner chez le chef bandit. Il s'entraîne. Après, il va revenir. Il dit, you kill my mom, you kill my sister, you kill my father. And now, I'm going to revenge, I'm going to kill you. Le film commence là-bas. Pas vrai? Donc, le film de revanche, c'est le principe du film chinois. Tu as tué ma tante qui était petite, vous voyez. Après, on part comme ça. Vous voyez comment la personne voit encore la chose qui était petite. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et il est obligé de vous tuer. Il tape tout le monde. Parce qu'il faut qu'il revenge. Cet esprit de revanche, là, il faut traiter avec cela. Il faut traiter. Les gens qui ont lutté, versé le sang ici pour le pays, il va falloir qu'on fasse des choses pour s'asseoir. Et là, il faut les hommes de Dieu ici dedans. Si c'est pas les hommes de Dieu, ils vont perdre la direction. C'est comme ça, là. Parce que c'est eux, ils ont des actions prophétiques à faire. Ce n'est pas d'action prophétique pour le pays, ça sera comme ça. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on a dit, tourner. Il dit, c'est celui qui est là-bas. S'il n'y a pas cette réunion-ci, les groupes qui vont se lever, faire la même chose. À l'ouest, sans retourner. Et ça va tourner. Vous allez retourner dans la même situation encore. Case départ, même chose. Pourquoi? Dans la forêt se trouvent les gens. Le premier président avait fait des choses, des alliances. Dans la forêt se trouvent des gens qui viennent prendre les démons, attraper les enfants et autres. Les innocents pour faire des sacrifices pour que les dieux des forêts se calment. Bon, ils se calment. On n'a pas dit qu'ils se taisent. Qui c'est? Quand quelqu'un est calme, il peut encore parler. Vous voyez? Et là, ils vont encore parler. On va continuer indifféremment en donnant les sacrifices humains. Les sacrifices humains pour pouvoir résoudre le problème des sacrifices humains. C'est pas comme ça. Il y a un problème que Dieu doit résoudre de façon définitive. Mais les gens, le vrai problème, c'est que quand Dieu donne sa solution, les gens, c'est, comme c'est contre la solution des hommes, on ne veut pas résoudre. Il faut qu'on résolve cela par. Ah, Dieu vous bénisse. En tout cas, bon, on fait comme avec l'arbre. On coupe en même temps. En tout cas, tu as même parlé de couper l'arbre. Tu as dit que j'ai craint parce qu'il y a eu un voyage. Le problème, ce n'est pas l'arbre. C'est ce qui va se passer après l'arbre. Tu ne veux pas que ça se passe alors? Il faut qu'on commence quelque part, n'est-ce pas, frère? Oui, il faut commencer. On commence par quoi alors? Par le voyage ou pas couper? Oui, on coupe l'arbre et puis on va voir les conséquences. La détresse. Donc tu parles en parabole, je ne comprends pas. Mais je parle par rapport à ce que j'ai entendu. Parce que le problème, ce n'est pas celui qui est là. C'est ce qui va se passer après lui. Durant ce moment de jeûne, donc, je vous ai dit ça ici, pensez au pays, d'accord? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver là, le fermer le cœur du peuple au cri de la révolte, ça n'aura pas sa place. Il va falloir que Dieu maintienne les gens maintenant autrement. Ils sont de prier seulement que Dieu nous donne la direction, comment prier dans ces cas-ci. Donc préparez-vous seulement. Si vous pouvez ravitaillez-vous. Il y a un changement qui est devant nous. Un temps, deux temps, la moitié d'un. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut être écourté. Ça peut être écourté. Ça ne peut pas, on n'a pas le droit. On n'a pas besoin d'attendre jusqu'à ce temps-là pour que ça. Pour que le tronc de l'arbre pourrisse. Que l'arbre tombe d'un côté. On peut. Il vaut mieux couper l'arbre. On coupe. On coupe. C'est vrai, c'est un peu entraînement des politiques. On coupe l'arbre parce qu'il y en a qui. Il y a des plus en plus. La guerre qui s'est permise. On coupe l'arbre. Il est radical. Madame Bobin, il est radical. On coupe l'arbre. Comme ça que je suis prêt. On coupe l'arbre. Aboya Station. Comment? Aboya Station. Aboya Station. Même chose. Vous entendez ce qu'il dit? Mm-hmm. Ah, quand il dit comme ça, il peut couper l'arbre celui-ci. Moi, je suis à côté de lui, j'ai du mal à entendre ce qu'il a de dire. Tu dis comment? J'ai dit qu'à Boya, il y avait des confrontations avec des morts d'hommes. C'est pas ça, juste à commencer. Donc, pour ça, pour ces raisons-là, qu'on coupe l'arbre. Parce que si on coupe les arbres, tout le monde peut voir les sécessionnistes comme ça, pas vrai? Puis ils sont cachés partout. Ça va même tempérer la guerre des sécessionnistes. Parce qu'ils ne peuvent plus avoir les endroits pour se cacher. Le Seigneur a la promesse qu'il envoie quelqu'un qui va pouvoir mieux négocier. L'homme providentiel, n'est-ce pas? Et qu'il est caché. Donc, le moment de prospérité arrive sur ces pays. C'est pour ça que je me focalise sur le nouveau, pas sur le passé. Je me focalise sur le nouveau. Il aura fort à faire. Maintenant, suivez bien attentivement. Vous avez vu la façon que le frère avait. Regardez le frère avait. Observez ça. Vous voyez. Observez le frère avait. Tant la main, frère. Vous avez vu ça? Vous avez vu ces manches-ci? Observez pour Papa Tane, vous voyez. Ça, c'est la manche d'un bureaucrate. Je t'en ai parlé des mêmes choses depuis. C'est que c'est ici, mais je ne sais pas comment vous faire, mais c'est comme ça qu'il peut le montrer. Regardez ça. Voilà, les deux ont porté les chemises. Mais la chemise ici est jusqu'en bas. Et là, il a tout. Vous appelez comment vous appelez ça? Ça, c'est le symbole du nouveau pour montrer qu'il y a du travail. Vous allez voir cela. Je vous ai parlé des chemises blanches. D'accord? Vous allez voir. Pour montrer que il y a ça, quand il va se présenter, ça c'est pour dire on a affaire, on est en chantier. Vous comprenez quoi? Ça, écoutez bien ça. Il dit ceci, merci père. Il dit ça, pliez là. Quand vous allez le voir, retroussez le manche. Qui soit en train de lire, souvenez-vous que l'esprit de Dieu dit focalisez-vous sur ça, pas sur son discours. Ça, c'est manche, ce qui est plié, c'est pour nous. Mettons-nous au travail, ça. Et quand il va faire, il fait comme ça, là, il ne sait pas ce qu'il a de faire, c'est l'Esprit de Dieu en train de l'utiliser. Vous avez entendu cela. Alors, quand il va faire comme ça, là, c'est pour l'autre, vous ne verrez jamais avec les manches, comme ça. Vous le verrez comme ça. Hein, patron, comme ça. Comme de l'expérience. Vous le voyez, n'est-ce pas? Papa Tani, avec sa manche comme ça, c'est la manche d'un technocrate, bureaucrate et tous les autres crates. Ça, c'est la manche d'un travail. Ça ne va pas là. Il fait comme ça là. Il avait là ses pieds. Ça ne va pas. Vous allez le voir au milieu du peuple. Je vous dis, quand le peuple travaille dans une arrière, il y a les ordures, il est parmi. Oui, il viendra. Ok. On fait comment avec l'arbre? Un problème. Peut-être c'est la dernière fois que je vais parler de ce sujet-ci maintenant. Maintenant, le reste peut suivre son cours maintenant. Quel que soit ce qui est devant nous, souvenez-vous que ça en est d'aller dans le sens du changement. Gardez-vous à l'esprit, je me suis tenu dans le haut lieu, dans une chambre là-bas, ça s'est discuté du départ. Souvenez-vous de cela. Écoutez bien comment je vais mettre cela. Si papa veut aller en voyage, il peut donner des ordres. Mais un aller sans retour, sans plus jamais retourner. Je crois que c'est mieux de le mettre ainsi. C'est ce qu'il dit. Bon, maintenant, souvenez-vous, s'il résiste, Actes chapitre 12. Souvenez-vous, quand le conseil dit que résolvez ceci au plus vite, parce que sinon, si le conseil se réunit là-bas sur le cas de Kango, préparez-vous. Vous souvenez de cette voie-là. Ok. Donc nous sommes là dans un multipot. J'ai dit à mon épouse que, ok, regardez. Et puis quand je me suis tenu là, j'ai dit, je peux dire maintenant, avec exactitude, ce qui arrive à ce grand arbre. Et puis maintenant, dire exactement comment ça va commencer, comment ça va aboutir, quel est le sort. Puis dit, hey, oh. Donc, je suis obligé de parler de cette façon, c'est d'accord. Il y a un autre frère qui était là-bas, dit que frère, je ne vais à l'aéroport. À l'aéroport, quand tu es à l'aéroport, tu dis tout une fois. Tu es dans l'avion, tu pars. C'est ici que ça se passe. Man, no run. Le but d'ici, c'est que, même si vous arrêtez Jérémie, vous mettez dans la prison intérieure, Nebuchadnezzar arrive. Quand ça a empêché que Nebuchadnezzar ne vienne. Écoutez encore une fois le prier. Quand Nebuchadnezzar est venu, il y avait Nebuchadnezzar. chef de l'armée. En quittant là-bas, Dieu a parlé à l'ennemi. Quand vous arrêtez là-bas, il y a mon serviteur Jérémie là-bas. Ha, vous parlez de Bible. Donc en venant faire le jeu, en tout cas de toute façon, quand il y avait persécution à Jérusalem, les apôtres étaient là, on est tous été dispersés, excepté les apôtres. Donc les vrais problèmes, les gens qui créent les problèmes même, on dit, il était là. De toute façon, ai-je créé des problèmes? Les problèmes, là, je suis en voulant qu'on résolve, ou on résout plutôt. Après, si je vous dis quelque chose encore, si Dieu vous connaît avec vos investissements là. Alors, vous remarquez que si cette table s'est coupée, les gens vont respirer. En réalité, il y a une couverture sur le pays qui empêche les gens de respirer. C'est comme si les gens, quand ces choses vont se passer, c'est comme si les gens vont sortir du sommeil. L'une de ces puissances-là contrôle l'alcool. L'une de ces puissances-là contrôle l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool, vous savez, pendant que vous arrêtez l'alcool, vous avez les gens sont en début, dans le début, à se boivre, ils ne savent pas qu'on est en train de verser les choses là-dessus. Alors, ils boivent. Ça détruit, ce n'est pas mon problème. Les gens qui devaient mettre leur énergie pour pouvoir développer le pays se trouvent dans l'alcool. Ici, cette puissance sera brisée. Amen. Quand ça sera brisé, vous allez voir le déploiement des volontés du peuple. Comment ce pays va avancer dans un sens. Pourtant, ça pourrait être depuis, mais il y a une couverture là-bas. Mais cette couverture, ça ne peut pas venir sur le pays sans que les ayants droit ne donnent l'ordre à cette couverture. À cause des différentes alliances qu'on signe dans les différentes loges pour pouvoir les faire venir ici. Il faut que ça soit nettoyé. C'est pour ça que le nouveau affaire à faire dans le haut lieu, je crois qu'il va d'abord vivre à l'hôtel là-bas. Le temps de nettoyer là-bas. En tout cas, parce que c'est grave. Donc au-dessus de nous se trouvent des couvertures, donc des zones, des aides qui sont couvertes, dessinées sur le pays. Vivez sous les. C'est un peu comme vous êtes dans un engrenage où vous souffrez, vous ne savez pas que vous allez souffrir. Des choses vous arrivent, vous acceptez tout simplement. Tout le monde accepte béni, oui. Mais en réalité, c'est un esprit. C'est un esprit. Le moment arrive où le Camerounais sera fait des Camerounais. Ou bien la phrase, le Cameroun, c'est le Cameroun, aura son explication. En tout cas, je vais parler, vous pouvez pas savoir. Mais plus tard, il y aura deux présidents. Deux, ils arrivent. Deux, ils vont se présenter là-bas. Je vous ai dit, pas que quelqu'un doit contester. Laissez celui-ci là-bas. Et prie Dieu seulement qu'il puisse sortir. Il dépose le chemin pour quelqu'un. Vous pouvez lui dire que, pardon, qu'il laisse tranquille. Vous me comprenez, frère? Ah. Quand Saül a quitté le pouvoir, souvenez-vous que David n'est pas venu là-bas. Il y a eu quelqu'un qui s'est pointé son nez là-bas. Waouh. Mais quelqu'un est de l'autre côté. Quelqu'un a-t-il des questions? Une fois de plus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ici en assemblée, j'en ai parlé. Et j'ai dit ça clairement, ce qui arrive. Pas vrai? Ok. Ça arrive, ça va défiler. Ça va défiler. Bientôt, les événements vont encore s'enchaîner. Des soulèvements. Des contestations. Bon, maintenant, je vais dire le dernier, et puis là, je vais m'arrêter. Et puis, bon, regardez, j'ai vu un document. Sur ce document, j'ai regardé les clauses des discussions. Un arbitre dit, ok, vous savez, quand il y a l'arbitre, il faut qu'on regarde qui va d'abord tirer le pénalty. On dit 50 pièces, vous appelez pile face, on lance comme ça là. Non, celui qui nous donne le coup d'envoi. Le coup d'envoi. Ok, maintenant, ici le document, si on dit, ok, voici les propositions que je fais. Celui-ci ne doit pas d'abord faire partie. Ça, c'est sur le document. Première chose, il faut que celui-ci ne fasse plus partie. Parce que c'est lui le problème de discussion. Celui qui est l'auteur des problèmes là. Il faut qu'il quitte la scène pour qu'on toute chose se passe. C'est tendu. Vous me suivez? Vous avez suivi? Donc, dans les clauses de cette discussion, si se trouve l'élimination de quelqu'un qui est l'auteur, qu'on qualifie comme auteur, qu'on coupe le bois. Bonne soirée. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière vit. Car les ténèbres ne rayeront pas toujours le jour. Brille. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi, garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Le travail et la paix aussi. Deviennent en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants aient de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients. Pour un renouveau. Oui. Réponds à ta destinée. Brille de toute ta splendeur. Envole-toi vers les hauteurs. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Garde-nous de nos ennemis. Éternel Dieu, sauve la nation. Hosanna, sauve, Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Et nous périssons par notre manque de connaissances. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur. Par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changeons de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple supplie d'invoquer mon nom, s'humilie et cherche ma face, et si ce qui tourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Hallelujah. Hallelujah.